بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله. Aujourd'hui, le mercredi 3 ذو القعدة de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 24 juin 2020. Nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble, bi'idhnillahi ta'ala, notre lecture dans le livre de l'imam Ismail ibn Kathir al-Dimashqi, le grand imam salafi, son livre qui s'intitule Al-Fusul fi Sirati Rasul, dont le sujet est la vie de notre prophète alayhi salatu wassalam, ses combats et ses batailles, et plusieurs points qui sont en lien avec la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le cours précédent, nous avons parlé de la description physique du prophète alayhi salatu wassalam, et on a vu que Allah azza wa jalla l'a comblé d'un physique d'une très grande beauté de tous les points de vue, que ce soit dans sa carrure, que ce soit dans la beauté de son visage, la beauté de ses cheveux et tous les autres détails concernant son physique, sa taille, et ainsi de suite. Et nous avons parlé également de akhlaq al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son comportement et sa bonne moralité alayhi salatu wa sallam. Et nous avons lu ce que l'imam Ibn Kathir a cité par rapport à ce point. Et je vous ai promis de vous apporter plus concernant ce point en particulier. Car parler de akhlaq al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sujet extrêmement passionnant. Et tout ce qui est en lien avec le Nabi alayhi sallam, en réalité, est très passionnant. Et on ne se lasse pas de l'étudier et de l'apprendre et d'approfondir nos connaissances en ce qui le concerne, alayhi salatu wassalam, dans les détails les plus minutieux et précis de sa vie, alayhi salatu wassalam. Et ça, on trouve que c'est vérifié chez les gens qui sont passionnés et qui ont de l'amour pour des personnalités dans nos sociétés, quand bien même elles sont futiles, et quand bien même elles sont stupides. Alors que dire de ceux qui aiment l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, de toutes ses créatures, celui qui a été choisi pour transmettre le dernier de ce message, le meilleur de tous ces prophètes et messagers, alayhi salatu wassalam, le meilleur de tous les prophètes et messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et étudier son comportement, ça nous permet de réaliser le grand écart qu'on a par rapport à celui que nous prenons comme exemple et modèle, en tout cas qui nous a été ordonné de prendre comme exemple et modèle par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, il est dans le bien tant qu'il essaye et qu'il fournisse les efforts nécessaires pour se perfectionner dans tous les domaines de la religion, bien évidemment, et notamment le domaine du comportement, qui est notre sujet dans ce chapitre. Et ce n'est pas un domaine à négliger. Quand on entend que le mauvais comportement, ça sort pas de la salafia, ça c'est mettre chaque chose à sa place et lui donner le jugement approprié. Mais en aucun cas il faut comprendre de cela que le comportement n'est pas important ou minimiser sa valeur et son importance dans la religion de l'islam. Cheikh l'islam Taymi rahimahullah a dit, celui qui te dépasse dans le comportement, il te dépasse dans la religion. Et ceux qui seront les plus proches de notre prophète alayhi salam, c'est ceux qui ont les meilleurs comportements. Le comportement, al-khuluq, est très important dans la religion de l'islam. Même on peut dire que le khuluq, c'est toute la religion de l'islam. Quand on a bien compris ce que c'est al-khuluq, le comportement. Et l'adab. Beaucoup d'imams ont dit cette parole. Entre autres, l'imam Shafi'i. لو خيرت بين العلم والأدب لاخترت الأدب. Si j'avais le choix entre le comportement et les règles de bienséance et de politesse et la science, si j'avais le choix d'apprendre un des deux, et que c'était pas possible d'apprendre les deux, j'aurais choisi al-adab. Et ça, c'est pour montrer la valeur de l'ilm, de l'adab. Ils ont dit, bil-adabi tafhamu l'ilm. Avec l'adab, tu comprendras la science. Ce sera une cause par laquelle Allah il te donnera la bonne compréhension de la religion. C'est pour ça que tu trouves qu'il y a des gens qui ont des compréhensions tordues. Et souvent c'est dû à leur mauvais comportement et à leur mauvaise manière, que ce soit avec les hommes de science ou en eux-mêmes. Donc l'adab et le comportement est très important dans notre religion. Il ne faut pas le négliger. Certaines sectes égarées, ont compris cela et ont adopté un bon comportement, quand bien même c'est artificiel. On sait que c'est artificiel. Et c'est pas le vrai comportement que le croyant adopte pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le font pour propager leurs innovations et leurs égarements. Et le signe que ce bon comportement est artificiel, c'est qu'il suffit de s'opposer à eux et de montrer leurs égarements pour voir leur vrai comportement. Ça, c'est comme Tablir, comme Sophia, comme l'Ikhwan. Les trois, ils ont ces techniques-là pour propager leur da'wa. Alors nous, Al-Sunnah wal-Jama'a, on est plus à même d'adopter les bons comportements et les bonnes manières qui sont dans notre religion et sur lesquelles était notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et en plus, ça sera une cause pour que les gens acceptent l'haq que nous portons. Car des fois, avec notre dureté qui n'est pas à sa place, ou avec notre mauvais comportement, on peut faire fuir les gens de la sunna et de la salafia. Et ça, bien évidemment, c'est des gens qui sont faibles. Car celui qui connaît sa religion, il ne va pas la délaisser par le mauvais comportement d'une personne. Car il sait pertinemment que le mauvais comportement de cette personne ne fait pas partie de la religion de l'islam. C'est pas quelque chose à laquelle la salafia appelle. pour s'écarter de la salafia à cause de ce mauvais comportement. Faut placer chaque chose à sa place. Donc je disais, quand on a bien compris le comportement, comme a cité l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Madarij al-Salikin, il est de trois catégories. Cette faïda, elle est tellement précieuse que je la répète souvent. Parce que beaucoup de gens ont une mauvaise compréhension à ce sujet. Et quand ils parlent du comportement, ils ne visent que le troisième type de comportement, qui est le comportement avec la créature. Le comportement, il est de trois catégories, dont la plus élevée et la plus importante, c'est le comportement avec le créateur. Al-adabu ma'al khaliq. Et à la tête du bon comportement avec le créateur, bien évidemment, tawhid. C'est pour ça, celui qui n'a pas de tawhid, il n'a pas de comportement. Comme bien même il est gentil, il est agréable, il est souriant, il est généreux, il est accueillant, va et continue jusqu'à énumérer ce que tu veux comme règles de politesse et de bienséance et bonne manière. Celui qui n'a pas de tawhid, il n'a pas de comportement. Et le deuxième du comportement, la deuxième catégorie du comportement, c'est le comportement avec le messager et avec sa législation. Le mubtadi' a un très très mauvais comportement avec le prophète alayhi salatu wassalam. L'innovateur dans la religion n'a pas de bon comportement avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Celui qui s'entête pour le madhab propagé dans son pays et qui délaisse la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas de bon comportement avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Celui qui pratique une adoration que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a pas enseigné, n'a pas de bon comportement avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ainsi de suite. Et en troisième lieu, le comportement avec la créature. Et dans notre da'wa, faut savoir que la règle de base, c'est la douceur avec les gens. Et surtout avec les ignorants, les gens de la masse. Les gens qui sont nés dans un environnement de bid'a, et ils croient que c'est ça l'islam. Ceux qui ne sont pas des têtes dans leurs innovations et qui suivent parce qu'ils pensent que c'est ça l'islam. La règle de base avec ces gens-là dans leur da'wa, c'est la douceur. Et c'est de les inviter à la vérité de la meilleure des façons. Car il faut savoir, comme a dit un salaf, que la vérité est amère. Elle est lourde. Alors ne la rend pas plus amère avec ta dureté. Et regarde nos savants comment ils sont. Regarde les savants comment ils sont dans leur comportement, avec leurs voisins, avec les gens de la masse, avec les awam, dans leur da'wa, avec leurs tollab, comment ils patientent avec eux. Et on a vu des choses de ces mauvais comportements même chez des étudiants. Parler en présence du savant et donner des avis alors que le savant est présent. Ou, quand on lui pose des questions, des fois, il le tire. Il lui fait mal. Et il patiente sur tout ça en voulant leur bien. Et comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une faïda que j'ai entendu d'un de nos chouyours, qui s'appelle Al-Sheikh Mas'oud, Al-Sheikh Mas'oud Haqqani, Hafidhahullah, ici à Médine, un grand savant afghan, spécialisé dans la langue arabe, dans toutes ses sciences, et dans la science de Usul Fiqh également, et dans d'autres sciences, qui est très connu de nos savants et c'est un grand savant salafi. Mais il n'est pas connu. Il n'aime pas se faire connaître. Et même au niveau des étudiants qui étudient avec lui, il n'a pas beaucoup d'étudiants. Parce que ce cheikh, il a une particularité malgré qu'il est âgé. C'est un grand savant, originaire d'Afghanistan, qui est venu s'installer à Medina. Hafidhahullah. Et je disais, même par rapport à ceux qui étudient avec lui, il est très exigeant. Il n'ouvre pas ses cours pour tout le monde. Il prend très peu d'élèves et il exige que ceux qui étudient avec lui qu'ils soient connus des savants et qu'ils aient des tazkiyas pour les prendre. Donc, ce cheikh, parmi le fawaïd qui nous a cité, la parole d'Allah Azzawajal, Ar-Rahman allama al-Qur'an. Ar-Rahman a enseigné le Coran. Il a dit que, je vous cite le faïda dans le sens, il a dit que Allah Azzawajal, dans le cadre de l'enseignement et de l'ilm et de ta'lim, il a cité, dans ce contexte, il a cité son nom Ar-Rahman, dans lequel il y a l'attribut de la rahma, la miséricorde, car l'ilm est basé sur la rahma, et que l'enseignant doit avoir cette rahma vis-à-vis de ses étudiants quand il leur transmet la science, et de patienter face à leurs questions, même répétées plusieurs fois, même si c'est des questions qu'il a abordées dans son cours, et après l'élève, il vient, il pose la même question, c'est-à-dire qu'il n'était pas concentré, il était peut-être absent dans le cours. Tout ça, ça demande cette rahma, qui est la base de l'ilm. Donc à travers ces chapitres dans lesquels on apprend rahma, on apprend l'akhlaq de Nabi alayhi salatu wassalam, ça doit être un grand rappel pour nous tous afin de faire des efforts sur notre comportement. Et comme vous savez, le comportement est de deux catégories. Un comportement inné et un comportement acquis. Inné, ça veut dire que tu n'as pas fait d'efforts. Il y a des gens, ils sont souriants de nature. De nature, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla les a créés avec cette nature. Il est comme ça. Il n'a jamais fait d'efforts pour être souriant. Et on sait que ça, c'est parmi les sunan du prophète Aïssa wa sallam. Nabi Aïssa wa sallam, comme a rapporté Abdullah ibn Jarir al-Bajali, radiyallahu anhu, il a dit... Jamais le prophète A.S. ne m'a vu sans me sourire, sans me faire un sourire. Il était très très souriant, A.S. Il y a des gens, ils ont ce comportement de manière innée. Et d'autres, ils doivent faire des efforts pour l'acquérir. Lequel est meilleur? Celui qui est meilleur, c'est bien évidemment le comportement inné. Parce que c'est très naturel, c'est très spontané. C'est pour ça qu'il est meilleur de ce point de vue. Mais lequel est le plus récompensé? C'est le comportement acquis. Parce que celui qui n'a pas ça dans sa nature et qui arrive par la grâce d'Allah à acquérir ce comportement ou un autre, il aura fait beaucoup plus d'efforts. C'est pour ça qu'il sera plus récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. On doit travailler ce côté très très important dans notre religion et ne pas le négliger. Et on voit aussi la douceur du prophète Aïssa salam dans sa da'wa. Comment il était doux avec les gens, comment il était patient. Cet homme qui vient, qui le tire par le col jusqu'à laisser une trace sur son cou, alayhi salam. Il lui dit, « Oh Muhammad, donne-moi de l'argent qu'Allah t'a donné. » Nabi A.S. il se retourne vers lui et il dit « Donnez-lui de l'argent qu'Allah m'a donné. » Alayhi salatu wassalam. Imaginez quelqu'un, il nous fait ça aujourd'hui. Et également, parmi les points qui manquent sa douceur, alayhi salatu wassalam, dans sa da'wa et sa patience, cet homme qui est entré dans la mosquée et qui a uriné dans un coin de la mosquée. À l'époque, alhamdoulilah, il n'y avait pas de tapis. C'était le sable. Dans la mosquée, il n'y avait que du sable. Mais c'est un homme qui ne connaissait pas l'importance des mosquées. Donc il a fait ça par grande ignorance. Et sahaba, radiyallahu anhum, quand ils ont vu ça, vous imaginez, un homme, il rentre dans l'endroit dans lequel on prie, on lit le Coran, on invoque Allah. Et il urine, comme ça, il voulait aller vers lui. Nabi alayhi sallam leur a dit, laissez-le. Laissez-le jusqu'à finir. Et quand il a fini, il a appelé alayhi sallatu wassalam, lui a dit, tu sais que ces mosquées ont été construites pour la salat et pour l'évocation d'Allah et pour l'invocation d'Allah et la lecture du Coran et n'ont pas été construites pour ce que tu as fait. Et il lui a enseigné avec douceur, alayhi sallatu wassalam. Et quand cet homme a vu comment Nabi alayhi sallatu wassalam était doux avec lui et comment il lui a expliqué avec douceur, et à l'opposé, il a vu comment les sahaba radiallahu anhum étaient en colère de voir quelque chose dans la mosquée comme ça. Il a dit cette parole très connue, Allahumma arhamni warham Muhammada, wa la tarham ma'ana ahada. Il a dit, oh Allah, fais-moi miséricorde, ainsi qu'à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et ne fait miséricorde à personne d'autre en dehors de nous. Nabi alayhi sallam lui a dit, laqad hajjarta wasi'a. T'as rétréci quelque chose de large. La miséricorde d'Allah est extrêmement large. Elle m'englobe moi et toi et tous ces hommes. Mais ça, c'est dû à cet excellent comportement avec lequel Nabi alayhi sallam a eu avec lui. Et en plus, il l'aurait arrêté pendant qu'il urinait, ça n'aurait fait qu'empirer les choses. Il serait déplacé, il aurait mis de l'urine partout. Là, par contre, c'était un même endroit. Quand il a fini, il leur a ordonné de prendre un seau d'eau et de le verser à cet endroit-là. Et ça a été purifié, alhamdulillah. Et après, il lui a enseigné. C'est pour ça, avant de blâmer les gens, enseigne-leur l'haq. Avant de venir blâmer une personne, tu vois une personne, et surtout en notre époque où l'ignorance est devenue très répandue. Imaginons, tu vois quelqu'un faire une erreur. Et toi, tu as la science que ça, c'est une erreur. Tu parles pas avec « je pense, j'ai cru, peut-être que j'ai déjà entendu ». Ça, c'est pas du « ilm ». Tu blâmes avec science. Sinon, tu dois te taire et te renseigner d'abord. Donc, imaginons que tu as la science que ce qu'il fait maintenant n'est pas autorisé. C'est pas la peine de venir blâmer directement et réprimander. Peut-être qu'il est ignorant, qu'il connaît pas. Explique-lui. Voilà Dalil. Voilà ce que les hommes de science ont dit. Parmi Al-Sunnah wal-Jama'a. Et même si tu l'expliques une fois, il n'arrive pas, reviens à ta personne. Comme Allah Azza wa Jalla dit, كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Ainsi vous étiez avant. Ainsi vous étiez auparavant. Et Allah vous a comblé de ses bienfaits par la suite. Et vous a guidé. Combien de choses on connaît, nous, et on connaît que c'est un bien dans la religion, et on n'arrive pas à pratiquer jusqu'à aujourd'hui. Combien de choses? Si tu veux être dur, sois dur avec ta personne, mais doux avec les gens. Et conseille, et quand une fois, et deux, et trois. Et sache que la guider, elle a des causes et elle a un temps. Les causes, on les connaît. Et c'est ça qu'on a nous, uniquement. Par contre, le temps de la guider appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et ce n'est pas quelque chose entre nos mains. Nous pouvons montrer la vérité, mais nous ne pouvons pas forcer les gens à la suivre. Je vais vous lire, bidnillah, avant de poursuivre notre livre, je vais vous lire ce qu'a dit l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi, rahimahullah, celui qui a fait Umdat al-Ahkam, qui a fait beaucoup de livres, un grand imam, salafi également. Il a un livre qu'il a appelé Mukhtasaru Sirati al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa Sirati Ashabihi al-Ashara. Le résumé de la biographie du prophète alayhi salam et de la biographie des 10 compagnons annoncés au paradis. C'est un livre extrêmement bénéfique et beaucoup plus succinct et résumé que celui de l'imam Ibn Kathir. Et dans ce livre, il a fait un chapitre au sujet des comportements de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était le plus courageux et brave des gens. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de points en commun avec ce qu'on avait chez l'imam Ibn Kathir. Il y a des choses que l'imam Ibn Kathir n'a pas citées. Comme il a été rapporté de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il a dit, quand la guerre s'intensifiait, et quand on rencontrait nos ennemis, on se protégeait derrière le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et il était, alayhi salatu wassalam, le plus généreux des gens. On lui a jamais demandé une chose et qu'il a refusé. On lui a jamais demandé une chose, il a dit non. C'est pour ça, une fois, des compagnons ont blâmé un compagnon, radiallahu anhu. Ils l'ont blâmé quand il a demandé au prophète, alayhi sallam, de lui donner une tenue qu'il portait. Il n'avait que celle-là. Et effectivement, Nabi, alayhi sallam, lui a donné. Et ils ont dit, pourquoi tu lui as demandé et tu sais qu'il ne refuse jamais une chose qu'on lui demande. Et tu sais qu'il n'a pas autre chose. Il leur a dit, je lui ai demandé parce que j'ai voulu être enterré dans ce tissu. Et là, ils ont compris. Yani, ils ont, entre parenthèses, ils ont toléré son comportement. Et c'était l'homme le plus indulgent, le plus indulgent et le plus clément, alayhi salatu wassalam. Et dans sa pudeur, comme on a vu, il était plus pudique que la jeune fille vierge qui reste dans son foyer. Jeune fille, vierge, et en plus qui reste dans son foyer. Ça, c'est 3 points. Ça, en général, c'est les personnes les plus pudiques. Parce que c'est des jeunes filles qui sont pas habituées à voir les hommes et à parler avec les hommes et à fréquenter les hommes. Une fille comme ça, quand elle voit un homme, elle est toute seule, elle devient toute rouge. Comme une tomate, comme ils disent. Et Nabi Issa alayhi salam, il était plus pudique que ces jeunes filles-là. et ils ne fixaient personne avec leur regard. Ils ne regardaient pas ni en fixant la personne. Et tout ça, c'est des signes de pudeur chez lui, alayhi salatu wassalam. Et il ne s'est jamais vengé pour sa personne. Il ne s'est jamais vengé pour le droit de sa personne. Et il ne s'est jamais mis en colère pour sa propre personne. Wallahi, yani, j'ai pensé et j'ai imaginé cette scène où cette jeune fille arrive avec un plat envoyé par une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam, que vous connaissez tous, mais c'est dans ce contexte-là. Imaginez cette jeune fille, elle arrive un plat envoyé par une des mères des croyants, radiyallahu anha, au prophète alayhi salatu wassalam, pour lui et ses invités. Parce qu'elle a su qu'il avait des invités. Et il était chez Aïcha radiallahu anha. Et le plat arrive, et Aïcha radiallahu anha vient, et elle le casse. Elle le fait tomber, exprès, volontairement. C'est pas une erreur. Volontairement, elle le fait tomber, elle le casse. Avec tout ce qu'il contient. Imagine, ça t'arrive avec ton épouse. Qu'est-ce que tu vas faire? Et ça te permet de voir l'écart, comme j'ai dit au début, l'écart qu'on a entre nous et avec notre prophète alayhi sallam. Le prophète alayhi sallam a souri, a dit « Votre mère était jalouse. Votre mère était touchée par la jalousie. Rarat ummukum. » Et il a demandé à Aïcha radiallahu anha de remplacer ce plat et de lui donner un des siens. Et ça s'est arrêté là. Alayhi salatu wassalam. Donc, il ne s'est jamais vengé pour sa propre personne, ni il s'est mis en colère pour sa personne, sauf quand les limites d'Allah sont transgressées. Et ainsi il se venge pour le droit d'Allah. Et il se met en colère pour le droit d'Allah. Et rien ni personne ne pouvait s'opposer à lui quand il se mettait en colère pour le droit d'Allah. Rien ne pouvait l'arrêter ni l'empêcher. Donc, compare toujours. Là, on ne lit pas ça pour raconter des histoires. Regarde ce comportement et regarde comment on est nous. Tu vas trouver qu'on est à l'opposé. Illa man rahim Allah. Quand tu me touches dans sa personne, rien ne peut m'arrêter, ni m'empêcher. Mais quand tu touches les sacralités d'Allah subhanahu wa ta'ala et les droits d'Allah, on laisse aller, on laisse passer. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Bien évidemment, quand on dit se mettre en colère et se venger pour le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est selon la religion. Et non pas agir selon les passions et les sentiments, se laisser emporter par les sentiments. C'est selon la religion. Selon ce qui t'est autorisé dans la religion. Ça, c'est très très très important. Il suffit pas d'avoir la bonne intention qui est vouloir faire triompher la religion d'Allah. Et ça t'autorise d'agir comme bon te semble. Non. Tu dois te conformer à la religion. Sinon, tu auras cherché à réparer un mal avec un autre mal. Et peut-être plus grave. Et il est, alayhi salatu wassalam, il a dit ensuite l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi, il a dit que le proche famille et l'éloigné, le faible comme le fort, l'homme puissant comme l'homme démuni, était pour lui pareil dans la vérité. Il ne va pas préférer celui-là sur l'autre, mais il va juger avec la loi d'Allah entre les deux. Que ce soit un proche, un éloigné, un homme faible, un homme fort, un homme puissant, un homme démuni, tous ils étaient idem pour lui. Alayhi salatu wassalam. Et il n'a jamais critiqué ni dénigré une nourriture. Quand il aime, il mange. Quand il aime pas, il ne mange pas. Mais il dit pas de mal. Une fois, ils lui ont présenté dans une histoire très connue, dans laquelle il y avait d'autres compagnons avec lui, ils lui ont présenté un lézard, et ce qu'on appelle dab, ad-dab, et un plat fait de ça. Et il n'a pas voulu manger, alayhi salam. Il y avait avec lui Khalid ibn al-Walid et d'autres compagnons. Ils lui ont dit, est-ce que c'est haram au messager d'Allah? Il a dit non. Mais je le trouve répugnant. Ça ne me donne pas envie. Voilà, on va garder plutôt ce terme, ce deuxième terme. Ça ne me donne pas envie. Et le sens, c'est aussi ça. C'est aussi répugnant. Car il n'était pas habitué à manger ça, dans les gens parmi lesquels il a grandi. Et ça, c'est normal, quelque chose, une nourriture que tu n'es pas habitué à manger, on te la présente pour la première fois, surtout si tu es dans une société qui sont habitués à une certaine façon de manger, et qui se mélangent pas à d'autres peuples, en général, tu n'arrives pas à manger. Et que dire si c'est un lézard? Et le lézard, c'est très très... Ils disent que c'est bon. Et dans le lézard, ils mangent la queue. Ils disent, c'est dans ça où il y a le plus de viande. Ici, dans le désert, c'est le plat préféré. Des bédouins et des gens dans le désert. Mais les gens dans les villes, même en Arabie Saoudite, ils mangent pas ça. Ils peuvent pas manger ça. Alhamdulillah, le Nabi alayhi salam l'a trouvé répugnant et ne lui a pas donné envie, alhamdulillah. Et par contre, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, quand il lui a dit non, c'est autorisé, lui, il l'a mangé. Et dans le hadith, il l'a dévoré. C'est-à-dire, il a bien mangé, radiyallahu anhu. Donc, le Nabi alayhi salam, quand on lui présente une chose, il mange. Et s'il l'aime pas, il mange pas. Mais là, il a justifié parce qu'on lui a demandé, parce qu'ils ont pensé que c'était haram. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne mange pas, il y a une probabilité que ce soit haram. C'est pour ça, il a justifié, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne mangeait pas en s'appuyant sur quelque chose, ou en étant accoudé. Muttaki'a. Après les savants, ils ont divergé quelle est la signification de appuyer sur une chose. Est-ce que, allongé, ça c'est parmi les interprétations, et c'est sûr que ça rentre. Allongé, wallah alam, c'est ça qui est voulu. Et il y a des savants qui ont dit, mutaki'an, c'est-à-dire mutarabbi'an. En pliant les deux jambes et les mettant devant toi. Mais La plupart des savants disent c'est par rapport à allonger, mutiaki'an, yani en s'appuyant sur une chose, en s'allongeant. Il ne mangeait pas comme ça. Et il ne mangeait pas wa la ya'kulu ala khiwan. Yani le khiwan, c'est comme une table. Il ne mangeait pas sur une table. Il mangeait par terre. Après ça, c'est l'habitude de Nabi Aïssa Salam. Parce qu'à son époque, ceux qui mangeaient sur les tables, c'était les rois et les gens qui ont l'orgueil et le kibr. C'est pour ça que les savants ils disent, manger par terre, c'est pas une sunna, mais c'est meilleur. Et celui qui mange par terre, comme ils font souvent ici en Arabie Saoudite, même les gens riches ici, ils font ça. Ils mettent des soufras par terre et ils mangent par terre. Et quand ils finissent, ils ramassent la soufra et ils la jettent. Donc ça, c'est pratique au niveau de la vaisselle, tout ça pour les femmes. Surtout qu'ici, alhamdoulilah, on ne suit pas dans ces choses-là. Mais ici, c'est souvent comme ça. Yani, ils mangent avec des cuillères jetables, tout est jetable. Yani, quand on finit de manger, on ramasse la soufra et ça va directement à la poubelle. Il n'y a ni vaisselle, ni rien à faire après. Que se laver les mains. Et dans les villes, c'est souvent comme ça ici. Dans les campagnes, ils cuisinent encore dans les maisons. Donc, Nabi Aïssa Salam, il a dit, l'Hafid Abdel Ghani, rahimahullah, qu'il ne mangeait pas sur, comme des tables, mais il mangeait par terre. Et il mangeait par terre, comme a dit Cheikh Mu'athaymi, rahimahullah, il a dit, c'est plus proche de la modestie. Mais c'est pas une sunna. Mais c'est meilleur. C'est meilleur pour ta santé, c'est meilleur pour ta modestie de manger par terre. Et il ne s'interdisait pas quelque chose d'autorisé. S'il trouve des dattes, il les mange. S'il trouve du pain, il le mange. S'il trouve de la viande grillée, il la mange. Et s'il trouve du pain avec du blé, à base de blé ou à base d'orge, il le mange. Et s'il trouve du lait, laban, il le mange seul. Car laban, le lait, est un repas complet. Comme les savants ont déduit du hadith. Nabi Aïssa Salam, à chaque fois qu'il mangeait une chose, il demandait qu'Allah lui rajoute de cette chose. Allah marzoqna, il disait, oh Allah, accorde-nous meilleur, excepté le laban. Il disait, oh Allah, donne-nous davantage de l'halib, du lait. Et il mangeait des fois le melon avec les dattes fraîches. Ibn al-Qayyim, rahimallah, dans la médecine prophétique, le chapitre qu'il a fait dans son livre Zad al-Ma'ad, il explique l'intérêt de ces combines et que c'est des choses très très bénéfiques pour la santé, de combiner les deux, comme ici par exemple, le batir et ar-rotab, le melon et les dattes fraîches. Et il aimait, alayhi salatu wassalam, le sucré et le miel. Il aimait ce qui est sucré et il aimait le miel, alayhi salatu wassalam. Tous ces hadiths, toutes ces paroles de l'Hafid Abdel Ghani al-Maqdisi, c'est tiré de hadiths ou bien de l'Bukhari ou Muslim, dans la plupart. Comme le fait d'aimer le sucré et le miel, c'est dans l'authentique de l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Abu Huraira radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a quitté ce bas monde sans être rassasié du pain d'orge. Le pain d'orge, pour ceux qui le connaissent, c'est un pain dur. Surtout à l'époque, c'était l'orge pure. Ça donne un pain très très dur déjà, dès la cuisson et la préparation. Que dire le manger le lendemain ou deux jours plus tard, trois jours plus tard? Nabi Aïssa Salam, il a quitté ce bas monde sans se rassasier du pain d'orge. Et comme ça c'est rapporté dans les deux authentiques. Également dans les deux authentiques, comme a dit notre mère Aïcha radiallahu anha, que il passait le mois et les deux mois sans qu'un feu ne soit allumé dans la maison, dans les maisons du prophète, alayhi salatu wassalam. Le rapporteur a dit à Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce que vous mangez alors? C'est-à-dire, il n'allumait pas de feu, il ne cuisinait pas. Pendant un mois, deux mois, d'affilée, sans cuisiner quoi que ce soit à la maison. Il s'est étonné, il lui a dit, qu'est-ce que vous mangez alors, ô mère des croyants? Elle a dit, on mangeait les dattes et l'eau. Les deux noires. Il n'y a que les dattes qui sont noires, mais ici, c'est un style arabe qu'on appelle terlib. C'est-à-dire, on va appeler les deux avec le nom d'un seul. Comme on dit l'Umarain. L'Umarain, c'est Umar et Abu Bakr. Comme on dit l'Qamarain, c'est l'Qamar et Shams. Comme on dit l'Abawain, c'est le père et la mère. L'Abb et l'Umm. On les appelle l'Abawain. C'est pas les deux l'Abawain, c'est un l'Abb et l'autre l'Umm. Mais ça, c'est un style arabe qui s'appelle Tarlib. On va faire dominer l'un sur l'autre pour simplifier, pour raccourcir l'expression. Au lieu de dire l'Umm, l'Abb et l'Umm, on va dire l'Abawain. Donc, il mangeait que des dattes et de l'eau. Pendant 2 mois, il ne mangeait que ça. Et ça n'arrivait pas occasionnellement, rarement. C'était très courant chez eux. Et il mangeait le cadeau, alayhi salatu wassalam, il l'acceptait. Et il ne mangeait pas la sadaqa. Car la sadaqa n'est pas légiférée pour la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à aujourd'hui. Sauf s'il n'y a plus de trésorerie des musulmines, car la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont le droit dans la trésorerie des musulmines. Baytumal il muslimin. Mais comme aujourd'hui il n'y a plus de trésorerie, les savants ont précisé que même les gens de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, ils peuvent prendre de la zakat. Mais le meilleur, c'est de ne pas en prendre. Mais si jamais ils sont dans le besoin, ils peuvent en prendre. Alors qu'à la base, c'est pas autorisé pour eux, la zakat et la sadaqa, de manière générale. Et quand on lui donnait un cadeau, il récompensait par quelque chose d'égal ou meilleur. Il y a une faïda dans cela au niveau de tawhid. Car l'être humain, il penche, il s'attache à la créature bienfaisante avec lui. L'être humain, il penche dans sa nature dans laquelle Allah Azzajal l'a créé, il penche et il s'attache à quelqu'un qui lui rend un service, qui lui donne un bien. C'est pour ça que le Nabi A.S. à chaque fois qu'il acceptait un cadeau, il récompensait par égal ou meilleur. Comme ça, il ne s'attache pas à la personne et l'attachement, il reste entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une sunnah. Quand quelqu'un te donne un cadeau, que tu lui rends égal ou meilleur. Ça, c'est une sunnah. Et il y a en cela d'autres sagesses. J'ai cité une sagesse concernant le Nabi A.S. et nous aussi par rapport à Tawhid. Il y a d'autres sagesses également. Encourager les gens à faire des cadeaux. Si tu ne fais qu'accepter les cadeaux, peut-être que celui qui donne, il va finir par se fatiguer et se lasser. Contrairement à si tu récompenses, tu vas encourager l'échange de cadeaux entre les croyants. Et ça, c'est parmi les grandes causes pour avoir l'amour entre les croyants. Tahadou, tahabou. Offrez-vous des cadeaux, aimez-vous. C'est-à-dire, c'est une cause pour avoir l'amour les uns pour les autres. Il ne se distinguait pas dans sa façon de manger, ni dans ses habits. Dans ce qu'il mangeait, dans ses habits, il ne se distinguait pas, alayhi salatu wassalam. Il mangeait ce qu'il trouvait. Il portait les vêtements comme tout le monde. Il n'avait pas des vêtements spécifiques ou qui le distinguent de ses compagnons. Et même la personne, quand elle entrait dans la mosquée, celle-là, ni parmi les bédouins, il n'arrivait pas à reconnaître le Nabi alayhi salatu wassalam. Tellement il était comme ses compagnons. Alayhi salatu wassalam et radiyallahu anhum. Et il réparait ses chaussons et ses souliers. Quand ils étaient déchirés, il les réparait lui-même. Il cousait son vêtement. Également, quand il était déchiré, c'est lui-même qui faisait sa propre couture. Alayhi salatu wassalam. Il était au service de sa famille. Il était au service de sa famille. Et ça, c'est parmi les causes qui font que la femme aime son mari. Il va l'aider. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les tâches ménagères, à la base, c'est le devoir de la femme. Faut pas que la femme demande d'une manière obligatoire à l'homme de l'aider dans ses tâches ménagères. Mais le fait qu'il participe avec elle dans ses tâches ménagères et qu'il l'aide, ça va être une cause pour qu'elle l'aime davantage, qu'elle s'attache à lui davantage. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il était au service de sa famille quand il était chez lui. Et il jouait avec les enfants. Il les laissait monter sur son dos. Alayhi salatu wassalam. Jusqu'à entendre l'adhan. Comme a dit Aïcha radiallahu anha, comme s'il ne connaît pas, on ne le connaît pas. Quand c'est l'appel à la prière, tout s'arrête. Il rendait visite aux malades. Et c'était l'homme le plus modeste, alayhi salatu wassalam. il répondait aux invitations, que ce soit de la part d'un homme riche ou un homme pauvre, un homme noble et honorable, ou un homme qui n'a pas un statut dans la société. Il répondait à tous ceux qui l'invitaient, alayhi salatu wassalam, dans la mesure de ses possibilités. La seule invitation qui est obligatoire, et à laquelle il faut répondre d'une manière obligatoire, c'est pour la fête du mariage, quand il n'y a pas d'interdit. Et si jamais il y a un interdit dedans, s'il a la capacité de s'y rendre et de les blâmer et de leur ordonner de changer ce mal, c'est une obligation. Et s'il n'est pas capable, alors il n'y va pas. Ou bien il est capable d'aller là-bas et changer le mal. S'il le change, il peut rester. S'il ne le change pas, il quitte. S'il voit qu'il n'est pas capable, qu'il ne va pas y arriver, à aller devant tout le monde et de leur dire, voilà, ça, c'est, il ne faut pas faire ça, ou là, dit. À ce moment-là, c'est plus obligatoire pour lui d'y aller. Et il aimait, donc il était modeste, alayhi salam, très humble, très modeste, mais tout en ayant une très grande prestance. Il avait un aspect imposant, alayhi salam. Comme on a vu dans l'histoire de cette femme, de cet homme qui est venu, il l'a vu, il a commencé à trembler devant lui. Il lui a dit, calme-toi, je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait du qiddid, de la viande séchée, à Mecca. Allah Azza wa Jalla lui a donné cette haïba, qu'on appellera prestance. Alayhi salatu wassalam. Et il aimait les pauvres, comme c'est rapporté dans le hadith. Et est-ce que les pauvres ici, c'est les pauvres dont, quand le Nabi sallam dit oh, « Ressuscite-moi avec les pauvres », est-ce que les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas les moyens, ou le masakin, ceux qui sont modestes et humbles, et pleins de dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala? L'imam ibn Rajab, il dit que le sens, ce qui est voulu, c'est le deuxième. Parce que le Nabi sallam n'était pas un homme pauvre. Il recevait des fortunes, il les donnait fi sabilillah. Et parce que la pauvreté n'était pas quelque chose, yani, malgré lui, c'était un choix, alayhi salatu wassalam. Comme ça a été rapporté dans un hadith authentique, je ne me rappelle pas est-ce que le Hafid va le citer ou pas, mais en tout cas, c'est rapporté dans un hadith authentique que Allah Azza wa Jalla a proposé à notre prophète, alayhi salatu wassalam, de lui transformer les montagnes de Mecca en or. Il a refusé. Il a dit, Wallah, je préfère rester, yani, comme je suis, je mange un jour, et je te remercie, et j'ai faim un autre jour, et je t'implore. Il lui a donné le choix d'être roi messager, ou serviteur messager. Il a choisi serviteur messager, alayhi salatu wassalam. Donc il aimait les pauvres, et il assistait à leur convoi funéraire, il rendait visite à leurs malades, et il n'a jamais mépris un pauvre. Comme il n'a jamais redouté un roi à cause de son pouvoir. Il montait à dos de cheval, comme il montait à dos de chameau, et à dos d'âne, et mulet. Et il faisait monter des compagnons derrière lui, ou son serviteur. Et il ne laissait personne marcher derrière lui. Alors que lui, il monte. Quand il montait, il faisait monter la personne qui l'accompagne. Sinon, ils marchent tous les deux. Alayhi salatu wassalam. Et il leur disait, laissez mon arrière pour les anges. Les anges qui marchent derrière lui, alayhi salatu wassalam. Il portait Ça, c'est rapporté par Ibn Majah, authentifié par l'Allam al-Albani, rahimahullah. Et il portait des vêtements en laine. Et il portait des chaussons qui ont été réparés et cousus. Et parmi les meilleurs des vêtements qu'il préférait, c'était Al-Hibara. Ce sont des vêtements du Yémen, dans lesquels il y a des traits en rouge, qui sont blancs avec des traits en rouge. Sa bague était en argent. Il le portait dans son petit doigt, dans la main droite. Et peut-être qu'il l'a porté dans la main gauche, parce que les deux versions sont rapportées. Mais je ne me rappelle pas maintenant, est-ce qu'il y a une qui est authentique, ou les deux sont authentiques. En tout cas, celle qu'il portait sa bague dans le petit doigt de la main droite est authentique. Et il mettait sur son ventre, ça lui arrivait d'avoir tellement faim de mettre une pierre sur son ventre et de la serrer, tellement il avait faim, pour calmer sa faim et pour ne pas avoir les bruits du ventre quand il est vide. Le bruit que font les gaz quand on a très très faim. Alors qu'Allah Azzawajal lui a donné les clés des trésors de toute la terre. Et il a refusé de les prendre. Et il a préféré l'akhira. Il a préféré l'au-delà. Oui, il a préféré l'au-delà. Car tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne dans cette dunya, comme bien même c'est autorisé, ça sera une diminution dans ta part dans l'akhira. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne comme bien dans ce bas monde, même autorisé, ça sera une diminution dans ta part dans l'akhira. C'est pour ça les sahaba, et ça on l'a vu à plusieurs reprises, quand ils pensaient aux autres compagnons qui sont décédés avant les conquêtes, et avant l'ouverture de la dunya sur les muslimines, quand ils pensaient à eux, ils pleuraient, comme Mus'ab ibn Umair, radiallahu anhu, car ils n'ont rien pris de cette dunya. C'est des compagnons qui sont entrés dans l'islam, qui ont subi de leur famille, de leur tribu, qui ont émigré, qui ont combattu, et qui ont rencontré Allah. Sans rien prendre de cette dunya. Qui ont rencontré Allah subhanahu wa ta'ala sans rien prendre de cette dunya. Et ça, c'est les compagnons qui sont décédés dans la bataille de Badr, dans la bataille de Uhud également, et dans les autres batailles. Et la dunya n'a commencé à s'ouvrir sur les muslimines que vers la fin de la vie du prophète alayhi salatu wasalam. Et surtout après lui, alayhi salatu wasalam, après sa mort. Où les muslimines ont conquis l'empire romain, l'empire persan, ou l'empire perse, les grands empires de la terre. Et ont eu des butins en or et en argent, comme le Nabi sallam leur avait dit pendant son vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il poursuit en disant de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus souriant des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un bon visage, plein de gaieté et de joie, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que ces tristesses étaient sans cesse, malgré que ces tristesses étaient continues, sallallahu alayhi wa sallam. Et que sa méditation était permanente. Mais ça l'empêchait pas d'être souriant, joyeux, sallallahu alayhi wa sallam, et de faire entrer la joie sur ses compagnons. Il aimait le parfum. Il détestait les mauvaises odeurs. Donc ça, c'est une sunna aussi, qu'on néglige. Pour nous, les hommes, dans nos foyers, se parfumer pour ta femme, comme t'aimes qu'elle se parfume pour toi. Se parfumer pour ta femme, comme t'aimes qu'elle se parfume pour toi. Comme il disait Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, j'aime me faire beau pour ma femme, comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. Alhamdulillah, la beauté de la femme, il n'y a pas besoin de grand chose. Sahabiyat, elles s'embellissaient pour leur mari en faisant leurs ablutions. Et bien sûr, en se coiffant, en portant des vêtements propres. Et en mettant du parfum. La femme, elle met du parfum chez elle. Et non pas quand elle sort dehors. Et l'homme aussi, il doit faire attention à son apparence, à la maison, pour sa femme. Ensuite, il a dit, il honorait les gens du mérite. Alayhi salatu wassalam. Et il cherchait à rapprocher les notables de la société et les gens qui ont un statut. Parce que ceux-là, en général, quand ils suivent la vérité, leurs tribus vont les suivre, comme on a vu dans beaucoup de cas de compagnons, radiallahu anhum, tels que Sa'd ibn Ubada et autres. Et il ne cachait pas sa joie et sa bonne humeur de personne. Il montrait sa joie et sa bonne humeur pour les gens, pour tout le monde. Il n'était rude avec personne. Alayhi salatu wassalam. Il voyait les gens jouer des jeux autorisés et permis, il ne les blâmait pas. Il rigolait avec ses compagnons, radiallahu anhum. Mais il ne disait que vérité. Et comme vous savez, c'est pas autorisé de raconter des blagues mensongères qui n'existent pas. Mais une histoire réelle, il n'y a pas de mal à la raconter. Et rigoler, alhamdoulilah, c'est autorisé dans notre religion. Mais sans mensonge. Sans mensonge. C'est pas parce qu'on rigole qu'il est autorisé de mentir. Il acceptait les excuses de celui qui s'excuse. Et ça fait partie des comportements des gens nobles. Quand tu viens t'excuser, il accepte tes excuses. Il ne va pas fouiller, chercher, oui, mais t'as déjà... Il s'excuse, il accepte de lui ses excuses. Et ça, c'est également dans le couple, entre l'homme et sa femme, des deux côtés. Quand l'un s'excuse, il ne faut pas... chercher, poser des questions. Alhamdoulilah, là, elle s'excuse ou là, il s'excuse. Ça nous suffit. Il avait, alayhi salatu wassalam, des esclaves, hommes et femmes. ils ne s'élevaient pas au-dessus d'eux. Ils ne se mettaient pas plus haut que eux, ni dans sa façon de s'habiller, ni dans sa nourriture. Il leur donnait à manger de la même chose que lui, il mange. Et il les vêtit de la même chose que lui, il porte. Il ne laissait pas passer un moment sans que ce soit dans une œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans des choses indispensables pour sa personne ou pour sa famille. Il a fait berger, alayhi salatu wassalam, et il a informé qu'il n'y a pas un prophète qui n'a pas fait ce métier. Rapporté dans les deux authentiques. Et notre mère Aïcha radiallahu anha a été interrogée au sujet du comportement du prophète alayhi salam. Elle l'a résumé en disant « Kana khuluquhu al-Qur'an » l'authentique de l'imam muslim. Son comportement était le Qur'an. Il se met en colère pour ce qui met en colère Allah. Il accepte, il agrée, et il est satisfait de ce qui satisfait Allah. Et ça a été rapporté d'une manière authentique, selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il a dit, je n'ai jamais touché quelque chose plus douce que la main du prophète, alayhi salatu wassalam. Je n'ai jamais touché une soie plus douce que la main du prophète, alayhi salatu wassalam. Et je n'ai jamais senti une odeur meilleure que l'odeur du prophète, alayhi salatu wassalam. Et j'étais à son service pendant 10 ans. Il ne m'a jamais dit, ouf. Et il ne m'a jamais dit pour une chose que j'ai fait, pourquoi tu l'as fait? Ou pour une chose que je n'ai pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait? Rapporté dans les deux authentiques. Allah Azza wa Jalla lui a réuni la perfection dans le comportement. Et les meilleurs des actes, alayhi salatu wassalam, il lui a donné la science des premiers, des derniers. En quoi il y a la réussite et la sauver dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il était illettré, analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire. Il n'avait pas un enseignant parmi les hommes. Il a grandi dans un pays dans lequel l'ignorance était répandue, dans le désert. Allah lui a donné ce qu'il n'a jamais donné à quelqu'un de ces mondes. Et il l'a choisi parmi les premiers et les derniers. Qu'Allah fasse son éloge de manière permanente jusqu'au jour de la résurrection. Fin de ce chapitre, de ce livre très bénéfique et très profitable. Et nous allons nous arrêter ici. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.